الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه واجتنبوا نهيه ولا تعصوه واعلموا أن تقوى رب العالمين جمع الخيرات ومنبع المسرات فبالتقوى تشرح الصدور وتنال المغفرة من العزيز الغفور قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أيها المسلمون لقد امتن الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمنن عظيمة وآلاء جسيمة فشكرها نبي الله صلى الله عليه وسلم وأدى حقها امتن عليه بالرسالة وجعله خاتم النبيين وامتن عليه بالإيواء من اليتم فجعل له من يحوطه ويرعاه بعد وفاة أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وهداه من الضلالة وأغناه من الفقر قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وإن من أعظم ما امتن الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم أن شرح له صدره فقال ممتنا عليه ألم نشرح لك صدرك أي جعل الله فيه نورا وجعله فسيحا رحيبا واسعا وهذه نعمة لا تقدر بثمن وهي منة من الله سبحانه وتعالى إذا رأى في عبده الخير شرح له صدره قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وإذا كان العبد ضالا معرضا ضيق الله عليه صدره وجعله حرجا شديد الضيق قال تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فبسبب عدم إيمانهم جعل الله الرجس عليهم لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان وهذا ميزان عدل لا يميل وطريق لا يتغير فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يسره الله تعالى لليسرى ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسره الله تبارك وتعالى للعسرى شخصاً بتغضى خني الله يوبيسي لوي éloignez-vous de ses interdits et ne lui désobéissez pas et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est la cause de tous les biens et la source de tout bonheur. Grâce à la crainte d'Allah, les poitrines s'épanouissent et l'on obtient le pardon du grand pardonneur. Ô Dieu, Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. » Chers musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala a comblé son prophète de ses bienfaits, des bienfaits immenses et importants. Et le prophète d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a remercié ses bienfaits et a accompli ses devoirs. Allah l'a comblé en lui donnant le message à transmettre, et en faisant de lui le dernier des prophètes, et en faisant qu'il soit accueilli lorsqu'il devint orphelin sallallahu alayhi wa sallam. Allah a fait qu'il soit protégé après le décès de son père et de sa mère. Et Allah l'a guidé après l'égarement et l'a enrichi après la pauvreté. Allah dit dans le Coran, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. Mais parmi les plus grands dons qu'Allah a fait à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il lui ait épanoui sa poitrine. Allah dit dans le Coran, Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala y a mis de la lumière. Il a rendu la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam large et ample et vaste. Et ce bienfait ne peut être évalué. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala voit du bien de son serviteur, il lui épanouit sa poitrine. Allah dit dans le Coran, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et à l'opposé, lorsque le serviteur est égaré, tournant le dos à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui rétrécit sa poitrine et la rend pleine d'une forte gêne. Allah dit dans le Coran, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. À cause de leur manque de foi, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sa punition sur eux, car ils ont fermé sur eux-mêmes la porte de la miséricorde et du bien. Et telles sont les règles d'Allah qui ne sont jamais modifiées. Si tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah se rapproche de toi. Et si tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah s'éloigne de toi. Allah dit dans le Coran, celui qui donne et craint et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Donc la personne s'est rapprochée d'Allah, Allah s'est rapproché de lui. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Ibad Allah. إذا كان انشراح الصدر وسعته نعمة عظمى وفضيلة كبرى لا يدركها إلا الأقلون فإن العاجز الكسول من لم يتعب نفسه في الحصول عليها والظفر بها والعمل بأسبابها حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى وإن اللبيب الفطن هو من جعل صلته بالله تبارك وتعالى قوية متينة باتباع شرعه والحذر من غضبه ومقته وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله عددا من الأسباب التي تشرح الصدر ومن أهمها أولا توحيد الله تبارك وتعالى فكلما كان الإنسان أكثر توحيدا لله تبارك وتعالى وأكثر معرفة بأسمائه وصفاته ونلقى هذا التوحيد مما يضاده أو ينقصه كان صدره أوسع وعيشه أهنأ وكلما نقص من هذا الأمر نقص من سعة صدره شيء حتى تضيق الحياة بأسرها على المشرك والملحد يقول الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وقال جل جلاله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وإن من أعظم العقوبات الدنيوية التي يصاب بها الإنسان ضيق الصدر والقلق والرهبة والخوف والاضطراب ولهذا تهدد الله تبارك وتعالى بها أعداءه المشركين عقوبة له قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وقال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وصفا أمر المؤمنين يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم يعني المؤمن دائما منشرح الصدر في الحالتين في حال السراء والضراء بسبب قوة إيمانه بالله تبارك وتعالى شكرا بك الله. Si l'épanouissement de la poitrine est un bienfait d'Allah et une grâce énorme que seulement peu de personnes atteignent, car l'inactif, le paresseux, est celui qui refuse de se fatiguer afin d'atteindre ce degré et refuse d'œuvrer pour cela jusqu'à sa mort. Et le musulman sensé à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la raison, et celui qui a une relation solide avec Allah en suivant ses lois et en redoutant sa colère et son courroux. Et les savants de l'islam, les ulama, ont cité des causes amenant à l'épanouissement de la poitrine. Et parmi les plus importantes, premièrement, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid. Donc plus le tawhid de l'individu est fort, plus il connaît les noms et les attributs d'Allah et purifie l'unicité d'Allah de tout ce qui s'oppose et tout ce qui la souille, plus sa poitrine sera épanouie et plus sa vie sera heureuse. Car le tawhid, comme l'iman, il augmente et il diminue. Donc le musulman, il faut qu'il fasse en sorte que sa croyance en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala augmente afin que sa vie soit plus heureuse et plus épanouie. Et plus le tawhid est faible à l'opposé, plus la poitrine de l'individu sera rétrécie jusqu'à ce que toute sa vie entière devienne étroite et pleine de gêne. Allah dit dans le Coran, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Et il dit dans un autre verset, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Et il dit également, est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, c'est-à-dire était semblable à celui qui ne possède pas cela. Et parmi les plus grandes punitions qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse donner à l'individu ici-bas, le fait qu'il soit touché par une gêne dans sa poitrine, par l'angoisse, par la peur, par la crainte, par la tourmente. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala menace ses ennemis, les associateurs, en leur disant « Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, car ils ont associé à Allah des idoles sans aucune preuve descendue de sa part. » Et il dit également dans notre verset « Malheur, malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit le cas du musulman, le cas des croyants. Dans les deux cas, le croyant, il est dans une bonne situation. Qu'il lui arrive des bonnes choses ou des mauvaises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je m'étonne du cas du croyant qui a du bien dans toutes ses situations. Ceci n'est valable que pour le croyant. En cas de joie et de satisfaction, il remercie Allah et cela est un bien pour lui. Et en cas de malheur, il patiente et cela est un bien pour lui, rapporté par Muslim. Le croyant est épanoui dans les deux cas, dans le bonheur et dans le malheur, grâce à la force de sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'il al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها المؤمنون، من أعظم الأسباب التي تشرح صدر المؤمن العلم النافع. فالعلماء رحمهم الله من القدماء ومن المعاصرين هم أشرح الناس صدورا وأكثرهم حبورا وأعظمهم سرورا لما عندهم من ميراث الأنبياء عليهم السلام، وهو العلم الشرعي النافع. قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمن أراد الحياة السعيدة فليكثر من العلم النافع تصلح له دنياه وأخراه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الزهد والورع والعبادة، لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب. ويقول هذا مع ما لقي من الأذى في هذه الحياة الدنيا عودي وأوذي وسجن مرات ويقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور في الدنيا لجلدونا بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من العيش وقلة التعب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سجن في آخر حياته يقول وهو داخل باب السجن فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يشبه دخوله للسجن بدخول المؤمنين إلى الجنة. Chers musulmans, la science, chers musulmans, la deuxième cause donc, qui apporte l'épanouissement de la poitrine est la science. Les savants de l'islam, que ce soit les anciens ou bien les contemporains, sont ceux qui ont la poitrine la plus épanouie, ils sont les plus à l'aise et les plus heureux, car ils possèdent l'héritage prophétique qui est la science religieuse. Allah dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et la grâce d'Allah sur toi est immense. Et il dit également, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité méritant d'être adorée à part Allah. Donc celui qui désire une vie heureuse et agréable ici-bas, qui ne cesse d'apprendre la science et qui ne cesse d'apprendre sa religion. Car grâce à elle, la vie d'ici-bas et de l'au-delà deviendra bonne. Il nous dit, rahimahullah, il nous dit, parfois, j'étais dans une situation, je me disais, si les gens du paradis sont dans la même situation que celle dans laquelle je suis, ils sont dans une vie agréable. Et il dit cela, malgré tout ce qu'il a rencontré comme offense ici-bas, il fut victime d'hostilité et on lui porta préjudice. Et il fut emprisonné plusieurs fois. Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, parmi les premiers savants de l'islam, il nous dit, si les rois et les enfants des rois savaient ce que nous ressentons comme bonheur et comme joie ici-bas, ils nous auraient alors frappés avec des épées ici-bas par rapport aux crimes que nous commettons en vivant une vie des plus agréables. Donc il dit qu'il vit une vie plus agréable que les rois et les enfants des rois, grâce à la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Et toujours, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, à la fin de sa vie, lorsqu'il a été emprisonné pour la dernière fois, il a dit en passant la porte de la prison et en récitant le verset de Surat al-Hadid, c'est alors qu'on éleva entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde. Donc il dit que l'endroit où il va rentrer pour lui c'est une miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment. Donc il compara son entrée en prison à l'entrée au paradis. أيها المؤمنون ثالثا أن يجعل العبد همه الأكبر الآخرة والعمل لها والسعي من أجلها فمن أهمته الدنيا فقط وجعلها أكبر همه حمله الله تبارك وتعالى همومها وغمومها وأنكادها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له رواه الترمذي. Troisièmement, le fait que le serviteur ait comme principal but l'au-delà et les œuvres de l'au-delà et l'effort pour l'au-delà. Ainsi doit être le croyant ici-bas. Car celui dont ce bas monde est la seule préoccupation, comme la plupart d'entre nous, la religion est la chose qui passe en dernier. On fait passer le travail avant la religion, la famille avant la religion, le sport avant la religion, l'argent avant la religion. La religion est s'il reste un peu de temps. Celui dont ce bas monde est la seule préoccupation, Allah lui fait subir tous les soucis et toutes les angoisses et toutes les difficultés de ce bas monde. Anas ibn Malik radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se préoccupe de l'au-delà, Allah place sa richesse dans son cœur et rassemble les siens autour de lui, et ce bas monde est contraint de venir à lui. Mais celui qui se préoccupe de ce bas monde seulement, Allah place sa pauvreté devant lui et disperse les siens, et il ne recevra pas d'autre part de ce bas monde que celle qui lui est réservée, rapportée par Imam al-Tirmidhi. أيها المؤمنون رابعا من أعظم الأسباب لانشراح الصدور وراحة البال النظر إلى النعم التي لا تحصى مما أنعم الله عليك أيها الأخ المسلم وأن تستيقن أن ما أصابك من المكروه لا يكون شيئا بالنسبة إلى النعم التي تعايشها وكذلك ما أصابك من المكروه لا يكون شيئا بالنسبة لما يصيب الآخرين من الآلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم رواه مسلم. ولما وضعت رجل عروة بن الزبير رحمه الله قال له عيسى بن طلحة يا أبا عبد الله ما أعددناك للصراع ولا للسباق ولكن أبقى الله تبارك وتعالى منك لنا ما كنا نحتاج إليه رأيك وعلمك. فقال عروة بن الزبير ما عزاني أحد مثلك. يقول ابن خلكان رحمه الله وكان أحسن من عزاه إبراهيم بن محمد بن طلحة. فقال رحمه الله لعروة بن الزبير والله ما بك حاجة إلى المشي ولا أرب في السعي وقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة والكل تبع للبعض إن شاء الله وقد أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء من علمك ورأيك والله ولي ثوابك والضمين بحسابك. Quatrièmement, également parmi les causes qui amènent à la tranquillité et la sérénité, le fait d'observer les bienfaits d'Allah qui sont innombrables, ou bien qui sont indénombrables. Ô musulmans, sache que tous les malheurs qui peuvent t'atteindre ne sont rien par rapport aux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Et également que tous les malheurs qui peuvent t'atteindre ne sont rien par rapport à ce qui atteint d'autres personnes. Lorsque tu es atteint par une chose que tu détestes, sache que d'autres personnes sont atteintes par des choses pires encore. Si tu perds un enfant, sache que des personnes en ont perdu deux ou trois ou quatre. Abu Huraira nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous et non pas ceux qui sont au-dessus. Cela est meilleur pour vous afin que vous ne minimisiez pas les bienfaits d'Allah rapportés par Muslim. » En retour de Zoubé, à la fin de sa vie, il fut atteint d'une maladie qui lui obligea à faire couper son pied. Et les gens venaient lui présenter leurs condoléances. Aïssa ibn Talha est venu à Urwa ibn Zubayr et lui a dit « Oh Abu Abdillah, de toute manière, tu n'es ni un lutteur ni un coureur. Tu n'as pas besoin de cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé de toi ce dont nous voulons. Ce dont nous avions le plus besoin, ton avis et ta science. » Urwa, très touché par cette manière de lui présenter ses condoléances, il lui dit « Personne ne m'a présenté ses condoléances comme toi. » C'est-à-dire qu'il lui a rappelé les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il avait un avis juste et une grande science. Et la meilleure condoléance qu'il ait reçue est celle d'Ibrahim ibn Muhammad ibn Talha, qui lui a dit « Wallah, tu n'as pas besoin de marcher et tu n'as pas besoin de courir. Un de tes membres t'a précédé, un de tes enfants t'a précédé vers le paradis et le reste suivra, Inch'Allah. Et Allah nous a laissé de toi ce dont nous avons le plus besoin, ta science et ton avis. Allah se charge de ta récompense et est garant de ton jugement. » Ayol muslimoun, khamisan, wa min aqwa al-asbab, l'inchirah al-sudur, wa izalat al-ghumum, al-ikthar min zikrillahi tabaraka wa ta'ala. قال تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن أفضل الأذكار الإكثار من تلاوة القرآن بالتدبر والخشوع. قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وكذلك المحافظة على الإكثار المحافظة على أذكار الصباح والمساء والإكثار من الاستغفار فمن أكثر منه جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ومن ذلك أيضا الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ففي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالنصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكف همك ويغفر لك ذنبك رواه الترمذي Chers musulmans, cinquièmement, également parmi les causes qui amènent vers la tranquillité et la sérénité du cœur et fait disparaître les soucis, le fait de beaucoup évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Et la meilleure des invocations est la lecture du Coran avec méditation et concentration. Allah dit dans le Coran, en parlant de ce livre, « Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Également, le fait d'être assidu aux évocations du matin et du soir, « Adhkar al-Sabah wa al-Masah » et le fait de beaucoup demander pardon à Allah, car celui qui fait cela, Allah lui donnera une issue favorable à tous ses problèmes et dissipera sa gêne et lui donnera des richesses sur lesquelles il ne comptait pas. Également, le fait de beaucoup prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, il a dit au messager d'Allah, je multiplie les prières, quelle part de ma prière dois-je te dédier? C'est-à-dire qu'il a invoqué beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, et il a dit que le temps que je consacre à cela, je veux en consacrer un peu pour prier sur toi au prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, comme tu veux. Je lui ai dit le cas, il a dit comme tu veux, mais si tu fais davantage, cela sera mieux pour toi. Il dit alors, les deux tiers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, comme tu veux, mais si tu fais davantage, cela sera mieux pour toi. Il a dit alors, je te dédie alors ma prière entièrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, alors Allah t'épargnera ce qui te préoccupe et pardonnera tes péchés rapportés par l'imam al-Tirmidhi. Sallallahu ta'ala bi asma'il husna. Dans cette phrase qu'il aura, أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أزل عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وقنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بعد الصلاه ان شاء الله اذا مؤمن كنا تكون نصلي على جنازه دونك ابخي لابخيير بارك الله فيكم بس تو سافو بلاس car nous allons prier sur un frère qui est décédé. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rahmatullahi wa barakatuh.